Gaston Charles Richard. Une aventure d'Elsa, détective privé. Le parfum mortel. Chapitre 1. Trois personnes, ce matin-là, entrèrent chez W, le grand joaillier de la rue de la Paix. Un officier de l'armée anglaise, qui portait avec un beau style son élégant et sévère uniforme, un vieux gentleman strictement rasé, à la face pleine, aux yeux rieurs, et une toute jeune femme blonde que couvraient de précieuses fourrures. Tous trois descendaient d'une somptueuse automobile que conduisait un chauffeur nègre bien stylé. « Madame, monsieur, mon colonel, si vous voulez bien prendre la peine de vous asseoir... » Élégant, le vendeur s'inclinait avec une correction toute mondaine dans le somptueux magasin du joaillier. Bien qu'il ne fût que 10 heures du matin, une vie intense animait déjà la rue de la Paix, la place Vendôme, la rue de Rivoli. Les autos filaient étincelantes dans la pure lumière d'un beau soleil d'hiver. Car on touchait à la Noël en cette année 1919 et la vie ardente, bruyante, folle, battait aux veines de tous ceux qui avaient échappé aux horreurs de la guerre. L'or, en papier, ruisselait des poches des nouveaux riches. En auto, en diamants, en perles, en parures, en ruineuses fantaisies, chaque jour, Paris voyait dépenser des fortunes. « Que désirez-vous voir, madame ? Un collier, un pendentif, une bague ?»« Yes, une bague pour commencer !» Bientôt, les trois acheteurs, assis devant une petite table en bois de rose, au bronze doré, précieusement ciselé, s'absorbèrent dans l'examen des joyaux qu'on leur présentait. Le vendeur, un peu penché, murmurait discrètement des chiffres. 36 000, 12 000, 100 000. À 9 000, nous ne pourrions plus l'établir aujourd'hui, madame. 10 000, ce petit collier. La jeune femme, indécise, considérait, sur sa longue main nue, très blanche, un peu forte, une bague formée d'une perle ronde, d'un bel éclat, entourée d'un rang de saphir et flanquée de 4 diamants, de belle eau bleutée. Puis elle regardait un joli collier de perles blondes. « Que prendre ? John, conseillez-moi » dit-elle en se tournant vers l'officier. « La bague ou le collier ?»« Prenez les deux, madame, » insinua le vendeur. « À ce prix, ils sont avantageux. »« C'est pour donner à une jeune fille, » dit la dame. « Si vous le permettez, Daisy, je paierai le collier, » dit le vieux gentleman qui jusque-là n'avait pas sonné mot. « Oh, Daisy, je n'ose pas !»« Yes, osez, Daisy !» Quelques minutes plus tard, le vendeur remettait les 2 écrins à l'officier anglais qui les plaçait avec placidité dans les larges poches de sa vareuse. Puis, tous trois, ayant réglé l'achat, se retiraient. La jeune femme riait, toute blonde, heureuse. L'officier, un bel homme d'une 40aine d'années, mis avec une élégance extrême, lui avait pris le bras et, ganté, botté, éperonné, le stick à la main, se penchait un peu en marchant pour lui parler. Et le gentleman sexagénaire qui les accompagnait et allongeait le pas près d'eux était une si vivante personnification du grand bourgeois britannique, oui, ou toré, avec ses yeux bleus, sa face rasée, calme et son teint fleuri, que le vendeur qui les regardait s'éloigner ne put s'empêcher de dire à l'un de ses collègues « Ces Anglais, tout de même, ils ont de la branche ». Chapitre 2. Quand ils revinrent, tous trois, 5 jours plus tard, c'était le 12 décembre à 5 heures du soir, il y avait affluence dans les 2 salles du magasin et sur les petites tables Louis XV en bois de rose, à plateau de peluche gris-bleu, c'était un ruissellement de pierreries. Le même vendeur qui déjà s'était occupé d'eux était retenu par 2 clientes. Il les salua avec un regard de regret. « Oh, nous allons attendre, n'est-ce pas, Daisy ?» fit le vieux gentleman. Ils s'assirent sagement devant une vitrine et attendirent que leur vendeur fût libre. Il vint enfin vers eux et les installa devant une table. Cette fois, la jeune dame anglaise fut assez longue à fixer son choix. Elle se fit soumettre des bagues, des bracelets, des pendentifs, des colliers. Elle hésitait, se montrait nerveuse, presque irritable. Enfin, elle se décida pour un bracelet qui ne valait guère plus de 12 000 francs et dont elle discuta âprement le prix. « Je vais voir si l'on peut vous consentir un rabais, madame, » dit le vendeur, un peu excédé par tant de caprices. Il fit signe à l'un de ses collègues de veiller sur les joyaux étalés sur la table. Celui-ci, occupé de son côté, fit la moue avec un clin d'œil affirmatif. Et les trois insulaires demeurèrent seuls. Enfin, le vendeur revint. Il avait obtenu un rabais de 500 francs. La jeune lady daigna s'en contenter, paya elle-même cette fois, et tous trois, quittant le magasin, montèrent dans leur somptueuse auto. « Hâtons-nous, » avait dit le colonel anglais, « il ne faut pas arriver en retard au dîner de l'ambassadeur, ce serait incorrect. » Quand, à 8 heures du soir, rideau de fer baissé et porte close, on opéra le reclassement des bijoux, on s'aperçut qu'une bague et un pendentif manquaient à l'appel. La bague, de style résolument moderne, était formée d'une grosse émeraude carrée, taillée en cabochon, entourée de 4 diamants rectangulaires, placés en pavage, dans des filets d'onyx noir et flanqués de 2 brillants carrés, de poids minime mais fort beau, montés en décrochage, l'un en haut et à gauche, l'autre en bas et à droite du chaton. L'autre joyau était beaucoup plus important. C'était un pendentif dans le goût oriental, composé d'une énorme turquoise de vieille roche, d'un ton merveilleux et sans une tare, entouré de 2 croissants, comportant 64 brillants blanc-bleu magnifiques, dont les pointes étaient retenues dans une bélière, enchâssée d'un brillant. Le joyau était soutenu par une chaîne plate, pavée de brillants et de turquoise. Il valait 300 000 francs. La bague en coûtait 76 000. Sur qui faire peser les soupçons ? La journée avait été exceptionnellement chargée, surtout entre 5 heures et 7 heures et demie. On fit appel aux souvenirs de chacun. Bref, les clients connus depuis longtemps et présentant une surface de garantie étant successivement éliminés, on pensa aux 3 Anglais. Ils n'avaient donné ni nom ni adresse puisqu'ils payaient comptant. Comment prouver qu'ils étaient les auteurs de ce vol audacieux ? Chapitre 3. Le lendemain de la Noël, l'un des 2 directeurs de la joaillerie vit, à 5 heures du soir, le vendeur qui avait eu affaire aux 3 Anglais entrer tout ému dans son bureau. « Monsieur, dit l'employé, ils sont là. Ils demandent à rendre 2 bijoux sur les 3 qu'ils ont achetés. J'ai dit que je n'avais pas qualité pour décider de la chose. Voulez-vous les voir ? Non, les bijoux sont intacts. Oui, monsieur. » « Quelle raison donne-t-il pour vouloir les rendre ?»« Ils disent que l'ami, à qui il comptait les offrir pour son mariage, et qui est la sœur de Sir Oliver Metcalfe, secrétaire d'ambassade du Royaume-Uni, préfère un cheval de selle. »« Bon, reprenez les bijoux, remboursez-les et ne faites aucune observation. » L'employé sortit du bureau, un peu étonné. Dès qu'il fut parti, le directeur prit son manteau et son chapeau, descendit à son tour, prit place dans son auto et, caché, attendit. Les 3 Anglais parurent bientôt, l'air satisfait, au seuil du magasin. Ils montèrent dans leur voiture et, suivis par le directeur de la joaillerie, gagnèrent un hôtel connu de la rue Saint-Honoré, qui est une assez confortable maison, mais de second ordre. Par un large pourboire donné au portier, le volet sut bientôt à qui il avait affaire. Le vieux gentleman se nommait Sir Francis Dudley Osborne. Le colonel du régiment des fusiliers du Prince of Wales se nommait Sir John Archibald Munro, et la jeune femme était la fille du vieux gentleman et la belle-sœur de l'officier. Ils avaient été adressés à la maison par la direction d'un grand hôtel anglais de la rue de Rivoli qui n'avait pu les accueillir faute de place. Tout cela était fort plausible, très simple, mais... « Tant pis, j'en aurai le cœur net !» se dit le directeur de la joaillerie. 5 minutes plus tard, il rentrait chez lui, cherchait un nom, une adresse et expédiait un télégramme à Londres au nom et à l'adresse d'Elsa Van Legels. Chapitre 4. Ah, dame, dit avec colère le vieux gentleman respectable en entrant dans la chambre du colonel qui, confortablement installé devant un bon feu de bois, dans un excellent fauteuil de cuir, fumait avec délice un havane de choix. « Quel ennui !»« Que vous arrive-t-il de si fâcheux, mon vieux ?» fit l'officier. « Ce n'est pas seulement à moi qu'il arrive une sale chose, » répliqua le vieux gentleman avec agitation. « C'est à vous aussi et à Daisy. Savez-vous qui je viens de voir en bas ? Cette damnée fille, c'est Elsa !»« Hein ?» fit le colonel. « Vous êtes sûr ?»« Sûr. C'est bien elle, avec sa peau jaune et ses yeux noirs. Elle n'a même pas pris la peine de se maquiller. Si elle vient ici, c'est qu'elle est sur notre piste. » Et s'il en est ainsi, je ne donne pas un farthing de nous trois. Asseyez-vous, Daisy, grommela l'officier, et taisez-vous. S'il s'agit d'elle, si vous ne vous êtes pas trompé. Je ne me suis pas trompé, répéta le vieil homme avec énergie. Il va falloir décamper et vite. Non, murmura l'officier, il va falloir en finir avec elle. Oh, vous pensez vraiment ? Yes, répliqua froidement le colonel. « Vous a-t-elle vu ?»« Je ne crois pas, mais sait-on jamais avec une telle diablesse ?» Pendant ce temps, Elsa Van Legels, qui était sans s'en douter le moins du monde l'objet de ce dialogue, choisissait sa chambre à l'étage inférieur. Cette chambre était exactement située au-dessous de celle qu'occupait la compagne des deux hommes. À sa gauche était une salle de bain. Dans le même sens, près de la salle de bain, était située une seconde chambre. Près de cette chambre s'ouvraient les portes des lavabos. À la droite de la chambre d'Elsa, c'était le palier de l'escalier. Le soir, Elsa dîna à l'hôtel fort paisiblement. Derrière elle dînaient, non moins paisiblement, Sir Francis Dudley Osborne, Sir John Archibald Munro et Lady Daisy Munro. Puis, ayant dîné, Elsa monta chez elle, suivie de près par les trois Anglais qui l'entendirent refermer à clé la porte de sa chambre et gagnèrent à leur tour leur appartement. « Good !» fit le colonel. « Demain soir, au plus tard. » Il n'acheva pas. Lady Munro le regardait d'un air épouvanté. « Non, pas demain !» dit le vieux gentleman. « Il faut demain finir l'autre affaire et filer après seulement. Nous avons tout le temps. » « C'est risqué, » dit le colonel, « mais il faut avoir du cran. Tout de même, demain, darling, vous aurez la migraine. Il faudra que je prépare la chose. Compris ?»« Oui, » dit la jeune femme, qui, toute blême, essuya son front. Chapitre 5. Entre Elsa et les trois aventuriers, le duel était inégal, car la policewoman ignorait qu'elle était connue de ceux qu'elle allait surveiller. Elle s'était engagée un peu imprudemment dans cette affaire, bien qu'elle eût appris à ses dépens qu'il lui fallait se méfier de tout. Déjà, elle avait eu à subir de rudes à-coups. Un jour que l'on réparait sa demeure, c'était miracle qu'elle n'eût pas été tuée par la chute d'une poutre de fer. On lui avait tiré dessus à deux reprises, une fois alors qu'elle sortait d'un magasin de Soho Square, une autre alors que sa voiture, qu'elle conduisait elle-même, était stoppée dans Fleet Street. Une troisième fois, enfin, elle avait reçu un coup de couteau au cours d'une enquête. Et si, ce jour-là, elle n'avait pas revêtu, par miracle, une solide cotte de maille fine et souple et légère, tout en acier au nickel, elle eût été tuée raide. Ces attentats, qui prouvaient en quelle crainte la tenait la haute pègre, étaient autant d'hommages rendus à ses mérites. Mais notre héroïne s'en fut fort bien passée. Toutefois, après avoir bloqué sa porte par un verrouillage de son invention, Elsa, fatiguée par le voyage, se coucha et s'endormit sans crainte. Elle s'éveilla le lendemain, la tête fraîche, les idées claires, joyeuses, prêtes à la besogne, sans se douter de la terrible journée et de la nuit plus terrible encore qu'elle allait vivre. Tout d'abord, elle se rendit chez Sir Oliver Metcalfe, le jeune attaché d'ambassade, dont la fiancée préférait un cheval de sel à des bijoux. Il ne lui fallut pas longtemps pour savoir que Sir Oliver Metcalfe était marié et père de deux enfants, qu'il n'avait point de sœur, que le véritable colonel John Archibald Munro avait été tué au cours de la dernière bataille des Flandres au Mont des Cats et que Sir Francis Dudley Osborne, beau-père du colonel et ancien diplomate, vivait de son bien à Bournemouth, à peu près paralysé. Muni de ces renseignements, après deux courses indispensables, Elsa courut au secrétariat général de la préfecture de police. Elle eut là, avec deux hauts fonctionnaires de l'administration préfectorale, une longue conversation qui prit fin dans le cabinet même du préfet. Chapitre 6. Pendant qu'elle s'occupait ainsi à contrecarrer les projets des trois aventuriers, ceux-ci, de leur côté, ne demeuraient pas inactifs. La jeune femme était restée couchée, se prétendant souffrante, et avait ordonné qu'on ne la dérangeât sous aucun prétexte. Le pseudo Sir Francis Dudley Osborne et le faux colonel s'en étaient allés tous deux et, peu après, s'arrêtaient chez un grand joaillier de la rue de la Paix où, étant donné leur apparence extérieure, on les reçut avec empressement. Tous deux déclinèrent leurs noms et qualités pour commencer et produisirent des cartes. « Nous sommes chargés, au nom des dames de la Croix-Rouge britannique, dit Sir Francis Dudley Osborne, d'offrir un collier à son Altesse royale la princesse Mary à l'occasion de ses prochaines fiançailles. Avez-vous à nous montrer un collier d'ordre vraiment royal? Nous sommes crédités pour 100 000 livres. 6 millions de francs, l'affaire valait qu'on la traitât. » Le choix des deux hommes s'arrêta sur deux colliers, l'un classique, à trois rangs de perles, en chute, soutenant un pendentif dont le centre était occupé par un ancien brillant des Indes, l'autre, moderne, à trois rangs de perles plus petites, reliées au fermoir par des épaulières formées de brillants carrés et rectangulaires, de rubis et de saphirs disposés en pavage, le tout soutenant un motif de joaillerie d'une splendeur incomparable. Le premier valait 4 millions, le second en valait 7. « Voulez-vous nous envoyer demain ces deux colliers à notre hôtel ?» dit le colonel. « Nous sommes, Lady Munro, Sir Francis et moi, descendus exprès pour ne pas attirer l'attention dans une maison modeste. Et Lady Munro est souffrante. Elle n'a pu nous accompagner. Le collier choisi par elle, elle est dame d'honneur de la reine, vous savez, sera par vous livré à l'ambassade où je le réglerai. On l'expédiera par avion militaire à Londres. » Envoyez deux employés, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Voulez-vous que je vous laisse ma lettre de change sur le crédit lyonnais en garantie ? Fit Sir Francis Dudley Osborne. Oh, messieurs, inutile, inutile ! Comment se fût-on méfié de ces deux gentlemen, dont l'un, sur son sobre uniforme, porté avec la Victoria Cross et la croix des services distingués, l'étoile d'or et d'émail d'officier de la Légion d'honneur, dont l'autre arborait, au revers de son pardessus, la rosette, sur ruban d'argent, de commandeur de notre ordre national, qui donnait la référence de noms illustres, que d'ailleurs, et pour la commodité du récit, nous leur laisserons. Pendant qu'Elsa, aux aguets dans sa chambre, puis courant Paris à la recherche de renseignements, car il fallait à tout prix éviter une méprise, recueillait, bribe par bribe, un faisceau de probabilités qu'elle groupait avec sûreté, le colonel se livrait, dans la chambre de sa belle-sœur, à un bien singulier travail. Armé d'une chignole, muni d'une mèche longue et mince, il perforait doucement le tapis et le plancher de la chambre le long du mur, derrière le lit. De temps en temps, il retirait sa mèche, l'humectait d'huile, l'enfonçait de nouveau. Quand elle fut à bout de course, il en prit une plus longue, un peu plus grosse, et continua. « Je crois que j'y suis, » murmura enfin l'aventurier. Il retira la mèche avec précaution, introduisit dans le trou un tube métallique, dont, en se faisant un écran de ses deux mains jointes, il examina soigneusement l'orifice supérieur. « Good, » dit-il, en voyant briller, à l'extrémité opposée, une luminosité vague. Il repoussa le lit dans lequel sa complice était étendue et, par la porte de communication intérieure, regagna sa chambre en sifflotant. Là, il prit un appareil à inhalation d'assez fortes proportions, remplit la lampe d'alcool, la mit avec précaution à sa place, puis, dévissant le bouchon de la chaudière, introduisit un peu d'eau de Cologne et d'eau à l'intérieur. Il prit alors une fiole plate, en nickel, au bouchage hermétique, et dont, par précaution, le goulot était entouré d'une épaisse couche de paraffine. Par surcroît, un capuchon de caoutchouc recouvrait le tout. Avec un soin minutieux, l'aventurier remplit aux trois quarts, avec le liquide contenu dans cette fiole, la petite chaudière sphérique, ajusta au bec de celle-ci, par un raccord, un ballon de caoutchouc, fixa au ballon un tube souple, puis, ayant refermé son flacon, se lava les mains avec soin, essuya la chaudière et murmura, tout en ouvrant la fenêtre, pour permettre à l'air de dissiper la forte odeur d'amande amère qui s'était répandue dans la pièce. « Si elle résiste à ça, la damnée fille, c'est que le diable lui aura chevillé l'âme au corps. » Chapitre 7. Rentrée chez elle à 7 heures du soir, Elsa, fatiguée, s'était, selon sa coutume, dévêtue pour faire un peu d'exercice physique, de détente et de délassement. Elle procéda ensuite à une série de rapides massages, puis à une toilette minutieuse. Elle se retrouva alors lucide, souple, fraîche, prête à toutes les éventualités. Tout en passant une robe pour le dîner, elle regardait autour d'elle avec une attention presque machinale. Ce fut alors que, sur le rebord du cadre d'une gravure, pendue au mur et placée au pied de son lit, elle distingua une fine traînée blanchâtre. Elle regarda ensuite à terre et, sur le tapis gris-beige, distingua quelques molécules blanches. « Tiens, » dit-elle en elle-même, « du plâtre ? Qu'a-t-on fait chez moi aujourd'hui ?» Puis, tout de suite, elle pensa « Il n'y en avait pas là ce matin !» Sa surmémoire visuelle n'était presque jamais en défaut. Son premier geste fut d'étendre la main vers le bouton d'appel et de sonner pour demander des explications. Elle ne sonna pas pourtant, mais alla donner un coup d'œil à la serrure de sa porte, s'assura qu'elle était bien fermée et revint vers la trace blanche qu'elle examina. Puis, la tête levée, elle inspecta la corniche du plafond. Elle ne distingua rien. Alors, elle prit, dans son nécessaire de voyage, une petite jumelle de théâtre à prisme, la mit au point et, pouce carré par pouce carré, en se plaçant sous le cadre, recommença son examen. Elle distingua enfin, dans un creux de la moulure qui courait tout autour du plafond, à l'extrémité d'une feuille d'acanthe, un trou net du diamètre d'un crayon de carnet et demeura longtemps songeuse sans bouger. Mais elle était un peu pâle. Chapitre 8. Elsa sortit de table en même temps que les trois Anglais et s'arrêta devant le bureau du Suisse de l'hôtel. « Je me sens un peu lasse, » dit-elle, à voix assez haute pour que le colonel et ses complices l'entendissent. « Et je voudrais bien que, demain matin, on ne me réveillât pas avant 11h30. »« C'est noté, madame. Y a-t-il une pharmacie ouverte près d'ici ?»« Oui, madame. » « Envoyez-y le chasseur, je vous prie, qu'il prenne pour moi un tube de comprimé de gardénal à 10 centigrammes. Vous me ferez monter en même temps une infusion de feuilles d'oranger. Je veux dormir tranquille cette nuit. » Le colonel échangea un regard avec Sir Francis et Lady Munro. Rien ne pouvait être plus favorable à l'exécution de ses projets. Pendant que la jeune femme montait chez elle, le portier, sur un ordre reçu du colonel, téléphonait à un grand music-hall pour retenir une loge. Et les trois aventuriers, qui déjà avaient revêtu une tenue de soirée, firent avancer un taxi et quittèrent l'hôtel tout joyeux. Elsa, qui guettait leur départ, les vit partir. Elle eut un sourire et rentra dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, le chasseur lui apporta le tube de comprimé de gardénal et l'infusion. La jeune femme alors se dévêtit, passa un pyjama de soie, par-dessus lequel elle endossa une robe de chambre, s'étendit sur son lit et se mit à parcourir les journaux du soir, tout en fumant quelques cigarettes, sans toucher ni au somnifère, ni à l'infusion calmante. Puis elle éteignit sa lampe, après avoir consulté sa montre, et s'allongea tout à fait en murmurant à mi-voix « 9 heures, ils n'agiront certainement pas avant 2 ou 3 heures du matin. C'est bon, essayons de dormir un peu. » Elle ferma les yeux et tenta loyalement de s'endormir. Mais en vain, l'inexorable sommeil ne vint pas la visiter. Alors, dans le noir, commença pour elle l'attente mortelle de ce péril qu'elle savait devoir courir, mais dont elle ignorait la nature et contre lequel, par conséquent, elle ne pouvait encore tenter aucune parade utile. La loi est ainsi faite, en France, que la justice ne peut intervenir contre un crime en préparation s'il n'y a pas eu au moins un commencement d'exécution. Il fallait donc attendre que les bandits eussent commencé à accomplir leur projet, devant que la police y pût mettre le holà. 20 fois, Elsa fut sur le point de se lever, de téléphoner à la sûreté, d'appeler à elle le secours promis, en cas de nécessité, par les hauts fonctionnaires qu'elle avait vus le matin même. Mais elle ne bougea pas, imposa silence à son impatience, dompta ses nerfs, se contraignit au calme et attendit dans l'ombre, les yeux grands ouverts. Quoi ? Elle ne le savait pas. Des heures et des heures s'écoulèrent avec une impitoyable lenteur. À 3 heures du matin, un bruit contenu de pas, de voix étouffées. Les 3 Anglais rentraient chez eux. Elsa ne bougea pas. Enfin, comme la demie de 3 heures venait de sonner à une église toute proche, elle perçut un petit bruit singulier, une espèce de grésillement. On eût dit celui que produit un vaporisateur à jet continu. Le bruit continua, devint plus fort. Et soudainement, un parfum léger d'eau de Cologne et d'amandes amères vint frapper les narines de la jeune femme. Alors, Elsa, de la poche de sa robe de chambre, tira une lampe électrique, une torche puissante dont elle actionna la batterie. Elle promena le mince faisceau de clarté sur le plafond, vers l'endroit où elle avait repéré le trou foré dans la corniche. Et elle distingua nettement une vapeur bleuâtre qui sortait de ce trou et qui s'épandait en nappe dans la pièce en descendant avec lenteur. Cette fois, la jeune femme se laissa couler à bas de sa couche, saisit un épais couvre-pied, une couverture de voyage jetée sur le pied du lit, ouvrit sa porte, la referma sans bruit et se dirigea vers la salle de bain. Elle y entra, en silence, s'enveloppa dans la couverture, jeta le couvre-pied sur elle, après s'être étendue sur le divan qui faisait face à la baignoire, et cette fois s'endormit, vaincue par la fatigue. Chapitre 9. Elle ne s'éveilla qu'à 9 heures du matin, et aussitôt une inhumaine angoisse la saisit. Que faisaient les 3 Anglais ? Elle se rassura en entendant résonner au-dessus de sa tête les bottes éperonnées du colonel. Le cœur battant, elle prêta l'oreille à ce qui se passait chez ses voisins de l'étage supérieur. Enfin, à 10 heures, elle entendit le colonel pousser une exclamation de contentement. « Oh, yes ! Entrez, messieurs, entrez !» Alors, elle ouvrit la fenêtre et se pencha un peu. Dans la rue, un homme qui vendait des lacets, du fil, des épingles, dans une petite boîte suspendue à son cou par une tresse de ficelle, leva la tête en entendant le grincement de la crémone. Elsa, sans plus attendre, agita en l'air son mouchoir et referma la fenêtre. Puis elle ouvrit la porte de la salle de bain et attendit. Quelques instants plus tard, 4 messieurs, correctement mis, montaient l'escalier. Derrière eux venaient 6 solides gaillards en civil. « Vous pouvez y aller, » dit Elsa, « c'est le moment. » « Attendons encore un peu, » fit le plus âgé et apparemment le chef des 10 hommes. 10 minutes, 1 quart d'heure s'écoulèrent. Derrière les policiers de la sûreté, le gérant, le portier, le garçon d'étage attendaient, anxieux. Les filles de chambre, surprises, se regardaient. Enfin, il y eut le bruit assourdi d'une légère bousculade. Puis un bref appel étouffé, auquel succédèrent de bruyants éclats de rire et des accords de piano. Enfin, une voix retentit avec un accent sévère. « Daisy, êtes-vous folle ? Venez, ces messieurs n'ont pas coutume d'attendre et la voiture est en bas. Êtes-vous prêt, Daisy ?»« Yes !» proféra la voix profonde du vieux gentleman. Ils apparurent bientôt tous 3 et descendirent l'escalier. Ils allaient très vite, en gens pressés. Ce fut aussi très vite et très bien fait. En un clin d'œil, les 6 solides gaillards qui barraient le palier eurent cerné, colleté et agrafé les 3 Anglais. Trois des autres messieurs tenaient un revolver sous le nez des deux hommes et de leur compagne. Et le plus âgé, le chef, disait au coquin sidéré « Mille regrets, ce n'est qu'une petite mesure administrative de précaution. » Puis s'adressant à Elsa, que le colonel et le vieux gentleman, blêmes et suants d'angoisse, considéraient avec une espèce d'épouvante, le chef ajoutait une nuance de respect dans la voix « Si vous voulez bien nous accompagner là-haut, mademoiselle. » Chapitre 10. Là-haut, il y avait deux hommes, bâillonnés, ligotés, jetés sur le lit de Lady Munro et enfouis sous un amoncellement de couvertures. Abrutis, hébétés, ils roulaient des yeux vagues. Ce ne fut qu'après quelques minutes qu'ils purent parler. « Nous sommes venus ici, dit le plus âgé, pour permettre à madame de choisir, entre les deux colliers retenus hier par ces messieurs, celui qui devait être offert à la princesse Mary d'Angleterre par les dames nobles de la Croix-Rouge à l'occasion de ses fiançailles. Ces messieurs nous reçurent très aimablement, ils buvaient du porto, la bouteille était sur la table avec des cigarettes. Ils nous firent trinquer avec eux. Puis je tirai les écrins de ma serviette. Je montrai à ces messieurs les colliers qu'ils contenaient. L'officier les prit et se disposait à les emporter quand je lui dis respectueusement que j'avais reçu la consigne formelle de ne pas les lâcher de vue d'une seconde. Il me dit que je ne pouvais pas entrer dans la chambre d'une dame anglaise, que cela ne se faisait pas, que d'ailleurs cette dame était au lit. Je lui dis alors que j'attendrais que la dame fût levée et habillée. « Très bien, dit-il, puisque c'est la consigne, respectons la consigne. » Il rit, m'offrit des cigarettes, encore un verre de porto. Je voulus refuser, car ce porto était très fort et avait un goût si singulier que je n'en bus que la moitié. Mon compagnon avait dû avoir la même impression que moi, car il avait laissé son verre à demi plein. Tout à coup, le colonel se leva et dit à haute voix « Êtes-vous prête, Daisy? Le temps passe. » « Oui, répondit la dame, vous pouvez entrer, darling. » « Venez, me dit le colonel. » Je pris les colliers et je me levai. Comme je passais dans la chambre, j'entendis un cri sourd, puis un appel. « Oh, Henri, à moi !» Je me retournai. Le vieux monsieur avait assommé mon camarade avec une matraque de caoutchouc. Au même instant, j'encaissai un coup formidable sous l'oreille, puis j'entendis de grands rires et je perdis connaissance. Après, je ne sais plus rien. « Est-ce exact ?» demanda le chef de la sûreté au faux officier. « Yes, très exact, » répondit l'aventurier avec flegme. « Le porto était-il drogué ?»« Yes, mélangé aussi de fine champagne, mais la drogue n'a pas bien agi. »« Qui jouait du piano tout à l'heure et que faisiez-vous pendant ce temps-là »« Daisy jouait. Moi et le Daisy, en riant très fort, nous arrangions ces jeunes gens, comment vous dites, en saucisson. » « Où sont les colliers ?»« Dans le sac de Daisy. » Le sac, pris et vidé, recélait les colliers, une douzaine de bagues, parmi lesquelles on retrouva l'émeraude carrée. Daisy portait sur elle le pendentif de turquoise et de brillant dont le vieux gentleman lui avait galamment fait cadeau. « Maintenant, dit Elsa, je voudrais bien savoir ce que vous avez organisé contre moi. À quoi rimait ce trou dans le plafond, cette vaporisation bleuâtre dans ma chambre ?» Les trois bandits se turent. « Ma chambre est encore pleine de ces vapeurs, » dit suavement Elsa. « Si vous ne voulez pas répondre, je demanderai à monsieur le chef de la sûreté de vous y enfermer tous les trois. »« Non, inutile, je parlerai, » dit précipitamment Daisy. « On a fait dans votre chambre, pendant 3 heures, une vaporisation d'acide cyanhydrique avec un appareil. Vous trouverez tout sous mon lit. » Si le coup avait réussi, vous seriez morte, ajouta-t-elle avec un regard de haine vers Elsa. C'est moi qui ai tout préparé, dit le pseudo-colonel. Je revendique la responsabilité de mes actes entièrement. Mais permettez, pour la respectabilité de l'armée anglaise, qu'on ne nous emmène pas en voiture cellulaire, s'il vous plaît. Chapitre 11. Un point demeurait obscur pour moi dans cette longue histoire. « Comment avez-vous su, dis-je à Elsa, que le trio préparait ce vol magistral ?»« Bien simplement, le joaillier, à qui l'on avait volé la bague à l'émeraude et le pendentif de brillant et de turquoise, m'avait chargé de filer les trois personnages. Je ne m'en suis pas fait faute. Pour cela, je me suis transformée le lendemain de mon arrivée en acheteuse espagnole, sud-américaine plus exactement. Une perruque, des sourcils un peu charbonnés, une robe ample un peu voyante, un gros manteau de fourrure à grand col relevé, un chapeau avançant sur mes yeux, un accent vulgaire, l'air nouvelle riche. Je suis entrée chez leur future victime, presque sur leurs talons, par la deuxième porte, car il y en a deux. J'ai tout entendu de ce qu'ils disaient et tout compris. Ce jour-là, ils m'ont prise pour une autre, mais j'ignorais que le vieux coquin qui jouait à merveille le rôle de Sir Francis Dudley Osborne me connaissait et m'avait reconnu la veille. Il avoua l'instruction. Si j'avais su cela, je les eusse fait arrêter tout de suite, sans pousser le jeu plus loin. Mais vous n'aviez pas de preuves de leur culpabilité ? Mais si, car le soir de mon arrivée, Daisy portait au doigt, avec la plus rare insolence, la fameuse émeraude, et j'avais le dessin de sa bague dans mon sac. Ce jour-là, j'aurais pu les prendre au gîte. J'ai voulu jouer un peu avec eux. Avouez que je l'ai échappé belle. Car la dose d'acide cyanhydrique insufflée dans le cube d'air de ma chambre m'eût envoyé ad patres en quelques instants. Et la fin de tout cela ? Elle fut moche, dit Elsa en faisant la moue. Le pseudo-colonel appartenait à une excellente famille qui désintéressa les plaignants. À la prière de sa mère, dont il a fait le désespoir, je retirai ma plainte et, grâce à de hautes et pressantes interventions, on l'expédia en Angleterre où il passa 2 ans dans une maison de santé très spéciale. L'affaire, ainsi amoindrie, fut correctionnalisée et les deux complices s'en tirèrent avec 6 mois de prison pour coups et tentatives de vol. La justice est vraiment bénévole en France, conclut Elsa avec un petit brin d'ironie. Je crois bien que s'ils avaient agi de la sorte en Angleterre, le faux colonel n'eût pas échappé à la potence. Bah, autre pays, autre mœurs. Fin 2. Le parfum mortel de Gaston Charles Richard.